بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الآن اليوم في الدرس 48 48 leçon في السؤال 90 280e question اذكر بعض أسماء القيامة cite certains noms justement du jour de la résurrection parmi ces noms là al-haqa comme dans sourate al-haqa comme qu'Allah ta'ala al-haqa ma al-haqa verset 1 à 2 al-qari'a qui est une sourate qui porte le même nom comme qu'Allah ta'ala al-qari'a ma al-qari'a verset 2 à 1 là on ne traduit pas parce qu'on sait que le sens de al-qari'a ou al-haqa c'est le jour de la résurrection كذلك الغاشية qui est également une sourate qui porte le même nom كما قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية verset 1 وصاخة سورة عبسة قال تعالى في زجاجة الصاخة verset 33 وطامة الكبرى كما قال تعالى في زجاجة الطامة الكبرى النازعة الزغاشية verset 34 الواقعة dans la sourate qui porte le même nom. Wa qulu ta'ala idhi waqa'atil waqi'a. Verset 1. Thumma qala fi sual al-wahid wa tisma dal 200. 291e question. Fi ayyi yawmin taqumu as-sa'ah? Quel jour aura lieu cette heure? De façon générale, on ne sait pas quand est-ce que l'heure aura lieu. Il y a que Allah Azza wa Jalla qui connaît l'heure. Yas'alunaka 'an as-sa'ati ayyana mursaha? Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi. Il t'interroge à propos de l'heure, dit que seul mon Seigneur la connaît. Et que le meilleur des anges, qui est Jibril, interroge le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, et qui lui a dit que l'interrogé n'est pas plus savant que l'interrogateur. Donc personne ne connaît quand est-ce que cette heure aura lieu, mais on sait qu'elle aura lieu un vendredi. Et il était dit au Fajr. فلا برف سيد حديث ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit que le meilleur des jours sur lequel s'est levé le soleil c'est le vendredi c'est le jour où Adam a été créé c'est le jour où il a été rentré au Jannah et c'est le jour où il a été sorti et que l'heure n'aura lieu qu'un vendredi. Rawahu Muslim. Également, c'est le jour qu'Allah Azza wa Jalla a accordé aux musulmans pour se rassembler. Alors que pour les Nasara, c'était le dimanche, et que pour les Yahoud, c'était le samedi. ثم قال في السؤال الثاني وتسعين بعد المئتين 292e question. ما هي العلامة التي إذا ظهرت أغلق باب التوبة qui est le signe que lorsqu'il apparaîtra, la porte du repentir sera fermée. قال طلوع الشمس من مغربها. C'est la levée du soleil depuis son couchant. كما جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. Dans le hadith justement qui parle de suage sur les roufs. قال في اخر الحديث فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مصيرته غردي. 40 أو 70 عامة قال سفيان أحد الرواة قيل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا لا يغرق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي Il cita que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam cita justement une porte en direction que Allah a créé une porte qui est en direction du couchant dont la distance équivaut à 40 ou 70 ans. Celle, de, on va dire, la distance de sa longueur. Ou de sa largeur. Non, de sa largeur. Et elle se trouve en direction du Sham. Le Sham, c'est là où il y a la Syrie, là où il y a l'Irak, ces pays-là, la Jordanie. Et que Allah Azza wa Jal a créé cette porte, le jour où il a créé les cieux et la terre. Il a créé ouverte cette porte-là, jusqu'à ce que le soleil ne se lève de là, mais il y a du couchant. Et c'est la porte du Tawbah. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. Celui qui fait Tawbah avant que le soleil du soleil se couchant, Allah acceptera son repentir. رواه مسلم. قال أين تغرب الشمس. Où est-ce que le soleil se couche. Le soleil se couche quand تذهب وتسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها أو ربها أن تعود من حيث طلعت. Que le soleil s'en va et se prosterne sous le trône, puis demande la permission à son Seigneur pour continuer son cycle. Et un jour, elle reviendra de là. Quand je dis elle, parce qu'en arabe, le soleil c'est féminin, le soleil sera envoyé de là où il est venu. C'est ce jour-là qu'il se lèvera de son couchant. Comme cela est dans le hadith de Abu Dhar. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب قلت الله ورسوله أعلم قال فين تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها أو يشك أن تسجد ولا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقول لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها وذلك قوله تعالى والشمس تجلي لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم متفق عليه. Dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar, à propos du soleil, si tu ouvres sur le soleil, il dit, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, le soleil s'en va pour se prosterner sous le trône. Et il demande la permission, c'est-à-dire pour continuer son cycle. Cela lui est autorisé, jusqu'au moment où il se prosternera et qu'il ne sera pas autorisé de continuer. Donc de là, il se lèvera de là où il se couche. Et c'est le jour, justement, où la Tawbah ne sera plus acceptée. Il sera dit au soleil, retourne où tu viens. Puis le Nabi Sassem reste à le verser dans le sens où Allah dit que le soleil parcourt un cycle jusqu'au jour où sera justement le soleil sera refoulé. Une chose que Allah Azza wa Jalla a déjà prédestinée. Et ce hadith-là est une preuve claire que c'est le soleil qui bouge. Ceux qui disent que le soleil est fixe auront démenti ce hadith et les ayats qui prouvent que le soleil bouge. C'est le soleil qui bouge et qui tourne autour de la terre. Et non pas le soleil qui est fixe et la terre qui tourne autour du soleil. Et des ulama comme Shaykh Ibn Baz et Najd al-Daima disent que ceux qui n'acceptent pas cela, qui démentent cela, auront mécru car ils démentent des versets clairs et des hadiths clairs qui disent que c'est le soleil qui bouge. Ceux qui disent que le soleil est fixe, d'accord, et que c'est la terre qui tourne autour du soleil, et que le soleil ne bouge pas, eux auront mécru. ثم قال في السؤال الرابع والتسعين بعد المئتين 214e question. ما مصير الشمس والقمر يوم القيامة. Que deviendront le soleil et la lune le jour de la résurrection. قال يكورون في النار. Ils seront rendus obscurs, ils perdront leur lumière, ils seront jetés au feu. والدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة رواه البخاري. Et dans une version مكوران في النار يوم القيامة. Que le soleil et la lune seront obscurcis le jour de la résurrection et seront mis au feu. Maintenant cela ne veut pas dire qu'ils seront châtiés au feu, mais seront jetés au feu. C'est tout. Car le feu à la base est un châtiment pour les mukallafin. Et le soleil et la lune, il n'y a pas de preuve que ce sont des mukallafin. Ils obéissent à Allah Azza wa Jal, mais ils ne sont pas parmi les mukallafin. Donc le fait qu'ils soient jetés au feu n'est pas un châtiment pour eux. D'accord ? Ce n'est pas un châtiment pour eux. On ne dit pas qu'ils vont subir un châtiment, qu'ils vont souffrir ou quoi. Ils seront jetés au feu. C'est tout ce qu'on sait. Hadha alladhi 'indana wa nattafi bi hadha al-qadri al-yawm wa alhamdulillahi rabbil 'alamin.